sudore, de la trajeur de saline. Et ton nom est consumé. Ma mère repousse ma main. Ma mère repousse ma main. Et nos cœurs nous sont pâles, et nous changeons de main.